Bonjour tout le monde, vous écoutez les amateurs de Mac. Bonsoir. Cette semaine, avec moi encore et toujours, Jean-François Roy. Ça va bien, Jean-François? Oui, ça va. Merci beaucoup. Excellent. Tu t'es remis du party geek auquel on est allé la semaine passée? Oui, c'était le fun. J'ai bien aimé. Ah oui, c'est vrai. Oui. Hein? Je ne suis pas resté longtemps parce que j'avais un autre party avec des amis. C'était super le fun. C'était très intéressant. Je pense que Benoît pense en organiser un aux trois mois. Puis je pense que c'est une très belle initiative pour financer ces podcasts, puis aussi pour qu'on puisse se retrouver dans une atmosphère cool. Fait que regardez ça, puis tenez-vous au courant sur le site des Mystérieux Étonnants. Vincent, passé une bonne semaine? Oui, j'ai passé une... Écoute, je pense que j'ai jamais été aussi occupé de ma vie. Ça n'a pas de bon sens, là. Mais tu n'as toujours pas trouvé, en fait, comment utiliser ta caméra. Hein? Ben, je peux pas plus avec Spreecast que je pouvais tantôt. <là. rire> Mais ça, faut pas le dire. Ouais, c'est ça, okay. C'est la magie des internets. Les gens, ouais, c'est ça, les gens qui nous écoutent pas, là, qui écoutent pas le podcast Mac Québec, savent pas de quoi je parle. Là. Non, en fait, savent. Tu sais, faut pas se tromper en disant, OK, prenez votre téléphone, puis d'habitude, vous me voyez quand on diffuse le podcast, là. C'est effectivement, c'est pour ceux qui nous écoutent en direct, là. Effectivement. Fait que, pas mal occupé. Ouais, pas mal occupé. J'ai même, des fois, j'ai pas le temps de dormir, fait que, mais bon. Dormir, c'est pour les faibles. Dormir, c'est pour les faibles. Je veux un T-shirt de ça. Ouais. Dormir, c'est pour les faibles. Peut-être, une petite annonce. Probablement qu'on va avoir dans deux semaines à l'émission, on va avoir Monsieur Jean-Pierre Tanguay, si je me trompe pas, qui est le président de Molécube, qui va venir nous parler. Une petite application Epic Mealtime, un petit jeu qui est sorti de leur usine, et il va venir nous parler de ça au podcast Mac Québec. Dans deux semaines. Good. Sinon, est-ce qu'on avait d'autres annonces à faire? La nouvelle plateforme? Oui, pour ceux qui n'écoutent pas le podcast de Mac Québec, mais qui veulent nous écouter en direct sur les amateurs de Mac, bonsoir. À macquebec.com/en-direct, qui est la plateforme, le site qu'on utilise d'habitude pour faire notre show en direct, finalement. On a une nouvelle plateforme. En ce moment, elle est en bêta. C'est une plateforme qui va mixer Flash et HTML5. Là, je m'explique. Il va y avoir, pour ceux qui ont Chrome, qui ont Firefox, qui ont Safari Windows, pour les trois personnes qui ont Safari et Windows, Internet Explorer, qui en a un peu plus, vous pourrez utiliser la plateforme en Flash. Donc, on va voir ce qu'on utilise, si c'est Google, mais je pense que ça va être plus Precast. Ou sinon, on va diffuser en HTML5, sur Safari Mac et sur les iPad et iPhone. Donc, vous pourrez consulter sur le site avec le Safari, puis éventuellement, ça va être dans l'application MQ Mobile aussi. Puis, quand ce sera plus en bêta. Donc, c'est ça. Ou sinon, la chat, ben, c'est la même. Donc, on n'utilise pas la chat de Spreecast, on utilise notre chat. Parce que ceux qui sont dans le HTML5 ou ceux qui sont dans le Flash, on s'en fout un peu. Tout le monde est dans le même chat pour diffuser. Puis on veut utiliser notre plateforme avec notre page. Puis c'est ça. Excellent. Sinon, est-ce qu'on a eu des questions cette semaine? Ou en fait, là, on s'est un petit peu tiré dans le pied parce que les gens ne peuvent plus nous en poser, sauf dans le chat. Mais regarde, je pense que c'est super simple. Vous avez juste à faire, c'est rajouter quelque chose comme un Q, deux points, puis là, vous posez votre question avec un point d'interrogation à la fin, puis je veux dire, nous, on fera la part des choses, là. Puis ensuite, on verra si on peut implémenter peut-être un autre chat juste pour ça ou quoi que ce soit, là, peut-être. Excellent. Sinon, Jeff, tu y vas avec la première question? Oui, on va y aller avec la première question. C'est Comment on fait pour identifier un fournisseur de service d'un iPhone sans avoir la carte SIM à l'intérieur du téléphone? C'est une excellente question. C'est une excellente question parce que j'ai une collègue de travail qui a trouvé un iPhone 4 et elle n'a aucune carte SIM à l'intérieur et j'ai essayé de trouver et je n'ai jamais trouvé. OK, là, donc c'est une question qui vient de toi. Non, c'est pas moi, mais ça tombe bien. C'est Mario Gaucher qui pose la question. Alors, as-tu un truc, quelque chose pour... Personnellement, non, absolument pas. J'ai pas trouvé, moi non plus. C'est une bonne question. Je sais pas si en contactant, je pense qu'il faudrait... faudrait contacter par exemple Bell pour savoir si le téléphone est enregistré à Bell en ayant le numéro de série de l'appareil. Je ne sais pas si eux ils peuvent avoir une espèce de banque de données, mais ça, il faudrait appeler Bell, il faudrait appeler Rogers, il faudrait appeler Fido, etc. Oui, mais ça pose une problématique dans le sens où eux autres ils vont faire « Ouais, mais ton téléphone, comment ça se fait que tu ne sais pas avec quelle plateforme il est? » Ouais, ben en même temps, c'est ça, ta collègue, elle l'a-tu rapporté? Elle l'a trouvé? Non, c'est ça. Ah, elle l'utilise comme iPod, puis comme iPod Touch ordinaire, mais il n'y a pas de carte SIM dedans. T'sais, j'ai essayé avec une carte TELUS, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé avec ma carte Fido, ma carte Rogers, ça n'a pas fonctionné. Fido, ça ne fonctionne pas vu que c'est la même, le même réseau. Ça doit être Bell ou Kudo. Bell ou Kudo Virgin. Fait que là, juste trois choix. Tu sais, juste comme. Tu pognes des amis qui ont ces trois modèles-là, puis t'es mettre dedans. Au pire, elle va s'acheter une carte SIM de chacun des. De chacune des compagnies. Là. C'est pas si terrible que ça. C'est combien une carte SIM des compagnies? C'est une dizaine de dollars, pas plus. Dizaine de dollars chacun. Je pense chaque que temps. Si tu vas chez Apple, il reste trois compagnies. Là. C'est 30$ pour tester. Puis se faire un iPhone. Non, c'est sûr. Ouais. Mais si, mettons, la carte n'est pas active, ça va-tu fonctionner quand même, tu penses? Parce qu'il faut que la carte soit active dans leur réseau à eux autres. Tu peux pas juste acheter une carte de même. Oui, c'est vrai. Dans le système, dans les préférences, tu vas savoir, ça va être écrit Bell. Je sais pas si toi, ça apparaissait Fido ou Rogers, là, mais ça va apparaître Bell. Un peu comme moi quand Bell m'avait coupé pour aucune parce raison. Parce que t'avais pas payé ton compte. J'avais payé. Il voulait que je paye deux fois mon compte. Là. Moi, il apparaissait dans les préférences, mais mon réseau était indisponible parce qu'il n'y avait pas de réseau finalement. Puis je pouvais absolument rien faire, mais Bell était encore parce qu'il voyait dans ma carte que c'était une carte de Bell. Fait que je sais pas si Fido, je mettrais une carte, il reconnaît que c'est Bell, il me le dit dans les préférences, ou ça dit juste pas dans les préférences, sauf la carte. Sauf le système qui est basé dessus. Là. Donc, ce serait peut-être à essayer. Là. Je sais pas. Là, je suis en train de... J'ai fermé mon... Mais regarde. Je sais pas si vous allez le voir, les gars. Mais regarde, moi, c'est marqué Bell, Rogers, puis TELUS. Moi, j'en ai trois qui apparaissent dans mon carrier. Attends, je suis encore sur Spreecast? Oui. OK. Fait que moi, il y a trois compagnies qui apparaissent quand je désactive automatiquement mon carrier. Je pense pas que c'est un bon moyen de faire ça de même. Parce que moi, je suis chez Rogers, je suis pas chez Bell, puis je suis pas chez TELUS. Là, fait que... Mais c'est une excellente... Une bonne question. Je sais pas s'il y a un moyen. On va essayer de regarder ça. On viendra avec une réponse si on trouve quelque chose. On va demander à Pascal qui travaille chez Fido. Oui, c'est vrai. On pourrait peut-être lui demander, c'est peut-être. Oui. Peut-être qu'ils ont un truc. Sinon, dans le chat, il y a Maxime, en fait, qui nous a contacté aujourd'hui. Lui a fait sa demande pour le programme de mise à jour parce qu'il a acheté un Mac relativement récemment. Et il y a eu des petits problèmes, c'est qu'Apple, en fait, prend un petit peu son temps, probablement pour étioler les gens qui vont télécharger. Donc, il n'a pas reçu encore sa clé. Ça peut prendre jusqu'à... en fait, lui nous dit qu'il a reçu une réponse d'Apple qui lui dit que ça peut prendre jusqu'à 3 jours, je crois, pour qu'il reçoive sa clé. C'est sûr que c'est pas parfait. Mais en même temps, c'est un petit peu normal que ça se fasse comme ça. Puis si je voulais donner une réponse méchante, ben, tu sais, t'acheter un ordinateur comme moins d'un mois avant que le nouveau système sorte, ben, tu sais, si t'étais au courant, si t'étais pas au courant, c'est parce que c'était pas si important que ça que t'ailles le dernier système. Puis, si t'étais au courant, ben, tu pouvais attendre aussi pour. De toute façon, c'est pas bien grand. Non, ils vont l'avoir. Ils vont peut-être l'avoir, se tromper, puis ils vont t'envoyer une version server. Ah oui, comment ça? Ils vont peut-être te donner un code pour. Ben, Apple s'est trompé aujourd'hui. Ils ont envoyé certains codes à des utilisateurs que les codes donnaient la version serveur de macOS X. C'est bien cool. Ben oui, je sais bien. C'est gentil. C'est bon, gentil. Ben, tu vas peut-être sûr. Gagner ça, tu sais. Tu vas peut-être avoir une version serveur de macOS que je n'ai pas acheté, mais. Parce que j'ai acheté le 10.7 serveur, mais je n'ai pas acheté encore 10.8 serveur. Puis, oups, 77-77 dans le chat, il dit, comme GF, il dit, 20$! Ah ouais! ouais. Quoi? Ouais, 20$, tu sais, ça va me coûter 40$ là, pour 20, deux. Ça n'a pas de gros, ça, 20$, 20$! 20$! Ad! Ouais. Fait que. Mais la question du téléphone, là, c'est très bon. Fait que. On va regarder ça. Ouais. Gary Kenny qui nous pose une question à propos en fait d'un bris de dalle sur un iPad. Le problème habituellement en fait on recommande aux gens d'aller chez Zone Accro sur Sainte-Catherine. Le problème est que M. Kenny est au Nouveau-Brunswick, donc il va être un petit peu être obligé de le faire à bras. Tu sais. Ouais. Il peut faire un effort là, quand même. Ouais, il pourrait venir en vélo. Il pourrait venir, là. Prendre la station New Brunswick puis descendre à Berry-UQAM. Là. C'est ça, il pourrait venir en région ici. Là, puis... ouais, c'est ça. Montréal en région. Mais pour de vrai, en fait, idéalement, ben c'est de le faire soi-même. Ça va prendre quand même un petit peu d'équipement, mais c'est pas nécessairement trop long à faire. Et l'équipement, vous pouvez le trouver chez... en fait, le tutoriel peut être trouvé chez iFixit. Mais par contre, c'est que pour décoller un... Parce que ce qui brise sur le dessus, c'est pas l'écran, c'est vraiment le digitalisateur, le digitaliseur. Mmh. Qui est sur le dessus. Donc, cette pièce-là peut s'acheter sur Internet. Évidemment, il vous faut un tutoriel qui va être chez iFixit. iFixit vend des outils aussi. Mais bizarrement, l'espèce de séchoir à cheveux qui fait décoller la colle, qui n'est pas un séchoir à cheveux, là, faites pas ça, vous allez ressembler à Michael Jackson. Donc, c'est un gun eater, en fait. Et ça sert à faire décoller la colle autour. Et cette pièce-là, bizarrement, iFixit ne veut pas la livrer au Canada. Donc, j'ai trouvé, moi, un autre fournisseur qui s'appelle E-Tech Parts. Donc, E-T-E-C-H-P-A-R-T-S.com. Et eux, ils ont à peu près les mêmes outils. Le site est peut-être un petit peu moins bien fait. Les prix sont peut-être un petit peu plus élevés, mais sinon, eux veulent bien livrer au Canada. Et en fait, un petit truc, moi, je les ai abordés sur Twitter, puis le gars m'a enlevé les frais de shipping, qui étaient quand même de 30$. Fait que c'est même... ouais, ouais. Okay. Fait que ben, je commandais une batterie, je commandais un écran pour un iPhone 3GS, je commandais des tournevis pour ouvrir tout ça. Là, fait que j'avais un bon, un bon bundle. Là, ah ouais, surtout que tu as perdu tes tournevis. Là. En fait, j'ai quand même les tournevis, je les ai. C'est les sus, puis les en tout cas, le... Ce qu'il y avait dans le coffre. D'outils, ouais, voilà. Mm-hmm. C'est parce que je sais toujours pas où est-ce que c'est. Là. J'ai cherché comme un malade, puis j'ai aucune idée. Donc, c'est ça. Fait que va falloir le faire soi-même. Puis sinon, ben invite-nous pour le prochain événement de Apple, puis on ira te réparer ça. Hein, un gros 15 heures de road trip pour aller au Brunswick. Ouais, c'est cool. Sûr. Ah, ben, oui, ce serait le fun. Hein? On partage tout. Puis, Check le gars qui a une heure de moins à faire là, parce qu'il est plus proche. Ouais. Je suis vraiment plus proche. T'es une heure et demie plus proche de Nouveau-Brunswick que nous autres. Je sais même pas comment y aller. Ah oui, ben. Elle n'a pas l'air d'un Américain qui ne sait pas c'est où le Canada. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, Canada, ils ont tous des igloos. Ils vivent tous dans les igloos. C'est à droite, le Nouveau-Brunswick. C'est facile. Là. Ouais. Mais non, mais un Américain ne va pas dire le Canada est en haut des États-Unis. Là. Ils ne diront jamais ça. Non, c'est ça. Non, parce qu'il ne peut pas dire que quelque chose est en haut des États-Unis. Non, c'est ça, exactement. Il n'y a rien de plus haut que les États-Unis. Exactement. Bon, ou sinon, ils vont dire l'Alaska est en haut des États-Unis. Tu sais. Oui, voilà. Sinon, il y a quelqu'un qui nous dit que lorsqu'il connecte son iPad, et cette personne-là, c'est Gilles Pinault, lorsqu'il connecte son iPad à son iMac, c'est iPhoto qui s'ouvre et non iTunes. Comment corriger cette situation? D'abord, en fait, c'est pas un bug ou quoi que ce soit, c'est un features. iPhoto est supposé s'ouvrir, c'est normal. Vous branchez un appareil photo sur votre ordinateur et iPhoto s'ouvre quand il y a un appareil photo. Donc, iPhoto s'ouvre parce qu'il y a des photos à importer. Fait qu'il se met au garde-à-vous. Puis, il attend les photos. Maintenant, si vous voulez arrêter que iPhoto s'ouvre quand vous branchez un appareil, voici la recette. Il faut aller dans le dossier application Image Capture. Et là, vous branchez en fait votre iPad. Et dans Image Capture, vous allez voir, il y a un petit menu déroulant en bas à gauche qui vous permet de choisir qu'est-ce qui se passe quand vous branchez ce périphérique-là précisément. Et vous avez simplement à changer de iPhoto à rien du tout. Et normalement, l'iPad devrait arrêter. En fait, iPhoto devrait arrêter d'ouvrir quand vous branchez votre iPad. Le image capture, est-ce que c'est transfert d'image? Oui, en français, okay. C'est effectivement transfert d'image. Si vous l'ouvrez sans qu'il y ait de iPad ou quoi que ce soit de brancher à l'appareil, vous allez voir sur le côté, là, il y a déjà le menu Device et Shared ou appareil et partagé, probablement, qui est là. Et c'est en dessous de ça que votre iPad va apparaître. Maintenant, pour que iTunes s'ouvre quand vous allez brancher votre appareil, c'est assez simple. Encore une fois, vous ouvrez iTunes, vous branchez votre appareil, et là, évidemment, l'appareil va apparaître sur la colonne sur le côté. Et quand vous allez cliquer sur votre appareil, dans le menu, l'onglet général, il y a un bouton qu'il faut cocher. Une petite case qu'il faut cocher et qui dit ouvrir iTunes quand ce périphérique est branché. Si la case est décochée, l'appareil n'ouvrira pas iTunes à ce moment-là. Donc, voilà la recette pour changer tout ça. Effectivement, là, sur par exemple, un iPad de première génération qui n'a pas d'appareil photo, je m'en sacre un peu que iPhoto s'ouvre quand je le branche. Je n'ai rien vraiment à importer. Les captures d'écran que j'ai faites, ce n'est pas si intéressant que ça. Je ne les veux pas dans ma bibliothèque d'iPhoto. Prochaine question. Moi, il se transfère dans Dropbox, moi. Ah, c'est une bonne idée. Ben oui. Parce qu'en plus, ça fait augmenter mon compte à chaque fois que je transfère 500 MB. C'est vrai? Ben oui, ça fonctionne encore, ça. Puis, tu es rendu à combien? Je pense que j'ai fait le maximum, moi. Moi, je suis rendu à 7,8 gigs. Ah, OK. Mais je dois être... Je suis rendu à 8,1, moi. Moi, je suis à... Mais tu sais, le truc, 15,9 gigs. Le maximum, je pense que c'est 16. Quelque chose comme ça. Moi, j'ai... En fait, ce qu'on peut faire facilement, c'est d'effacer les photos puis de rebrancher l'appareil. Puis de les réimporter. Moi, j'avais tout effacé, puis j'ai remis mon système à zéro. Je l'ai formaté au complet. Puis à chaque fois, Dropbox m'envoie un message me disant « Vous pouvez transférer les photos à chaque fois que je branche mon iPhone sur mon ordinateur. » Je le fais pas parce que ça me tente pas, là, c'est trop long. Mais quand je vais décider de me le faire, je vais pouvoir augmenter encore mon Dropbox, même si j'avais déjà poussé mes photos là-dessus. Prochaine question. Oui. Vas-y. Okay. Non, vas-y. Je veux que cesse l'apparition d'iPhoto. Non, ça. Ouais, c'est ça. Non, c'est celle-là. OK. Je veux que cesse l'apparition d'iPhoto et de Skype à chaque fois que j'ouvre mon ordinateur. Personnellement, c'est assez simple. Là. Dans le dock, quand tu passes ta souris sur l'application, tu fais souris droite, puis dans le t'as une option option. Puis d'habitude, l'option cocher ouvrir avec la session que tu enlèves, puis ça règle le problème. En fait, pas tout à fait. Non. JF, est-ce que tu sais pourquoi? Non, je sais pas pourquoi, mais c'est pas ça, pas en tout. OK. En fait, ce qui doit se passer, d'après moi, parce que ce que Vincent vient de dire... Oui, dans les préférences. Voilà, ce que Vincent vient de dire, c'est au niveau du login item. Donc, vous pouvez aller voir ça, en fait, en allant dans les préférences système, en allant sous User and Group. Et là, vous allez avoir un onglet qui s'appelle Login Item. Et là, vous pouvez sélectionner les applications puis faire le petit moins qu'il y a en bas pour empêcher ces applications-là de s'ouvrir au démarrage. Maintenant, il y a une deuxième fonctionnalité de l'OS qui est apparue avec 10.7 et qui fait qu'en ouvrant son ordinateur, on peut effectivement avoir nos applications qui vont réouvrir à chaque fois qu'on va réouvrir son ordinateur. Donc, si Skype Resume. Et iTunes, voilà, c'est à cause de Résumé que ça fait ça. Et là, en fait, je voulais donner le chemin, puis la fonctionnalité, la petite case qu'il fallait décocher sous 10.7 dans le menu général, elle n'est plus là dans 10.8. Oui, OK, ils l'ont changé de place. C'est Close Windows when quitting an application. When selected, open document and Windows will not be restored when you reopen an application. Ask to keep change. Ouais, ou si vous voulez juste enlever cette chose-là juste une fois parce que vous voulez que votre système repart sans aucune application, quand vous fermez votre ordinateur avec l'ordinateur, pas directement avec le bouton, il y a l'option que tu peux décocher, mais ça va revenir à chaque fois si tu décoches pas justement l'option que tu parles dans les préférences. Voilà. Donc, La façon que je parlais tantôt, là, ça, cette option-là, si jamais, par exemple, au départ, j'utilise Twitter à chaque fois, donc il pop tout seul, ça, je peux le cocher sur l'icône dans le doc. Mais est-ce qu'il va, si je le décoche, il va tout s'enlever dans la section ouverture? Non, ou vice versa, c'est vraiment deux systèmes différents. Attends, tu veux dire le chemin que toi t'as donné, puis aller. Non, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est bon. Voilà. Fait que si tu as iPhoto sur ton affaire, parce que tu veux l'ouvrir à chaque fois que tu as une session, mais si c'est résumé, bon, c'est l'autre façon. Voilà, oui. Je vais répondre à une question qui est dans le chat. Oui, vas-y. C'est Marmel qui nous demande « J'aimerais installer une version du système d'Apple sur un PC. Qu'est-ce qui peut fonctionner? On ne donne aucune recette de Hackintosh. » Ben, c'est ça, dans le fond, tu Hackintosh. Fait que c'est ça. Il y a un site web qui... je sais pas si ça s'appelle Hackintosh, mais tu t'en vas sur Google, tu tapes ça. Puis c'est une espèce de wiki... une espèce de page wiki là, qui va te donner toutes les instructions avec les différents... Parce que quand c'est un ordinateur comme ça que tu as, il y a des pilotes qui ne fonctionnent pas, il y a par exemple le son, par exemple, pourrait ne pas fonctionner ou tu ne pourrais pas brancher de micro. Il faut vraiment que tu fasses attention, puis c'est normal qu'il y ait des choses qui ne fonctionneront pas. Peut-être même, moi, j'avais déjà essayé dans le temps, là, quand j'étais plus jeune, je n'avais pas assez d'argent encore pour m'acheter un Mac. Puis, je pouvais pas l'installer parce qu'à chaque fois qu'il s'installait, il faisait un restart. Puis, quand il faisait le restart, il repartait sur l'installation. Fait que finalement, ça n'a jamais fonctionné. Mais ouais. Bon. C'est pas mieux d'aller acheter un Mac, mais. Ben oui, c'est mieux d'aller acheter un Mac. Oui, c'est mieux d'aller acheter un Mac. Mais comme Vincent a dit, c'est sûr que ça coûte cher, mais c'est le fun aussi de travailler dans un Hackintosh. J'ai travaillé beaucoup dans un Hackintosh dans mon jeune temps, moi aussi, parce que je suis un petit peu plus vieux que Vincent quand même. Mais si je te suggère, si mettons si tu veux acheter un nouveau PC pour avoir du Hackintosh, je te suggère d'aller voir CIPC. Tu rentres chez CIPC, tu lui demandes « Je veux avoir un PC pour faire du Hackintosh. » Ils vont t'en monter un, direct là. Il va fonctionner top-notch en installant macOS dessus. Fait que ça fonctionne très bien. Fait qu'on n'en dit pas plus. Ouais, voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, on a une question de Philippe Gignac. Mon iPhone 4, le bouton d'accueil, le bouton Home. fonctionne une fois sur deux et il bug régulièrement dans iOS 5. Avez-vous une suggestion pour régler ce problème? Le bouton Home depuis certaines versions. Parce que j'ai entendu un mot sur deux. T'es sérieux? Oui. C'est un peu drôle que tu disais que le bouton fonctionnait une fois sur deux quand tu disais quelque chose une fois sur deux. Bon, mais... ou Skype, j'ai... OK, Philippe Gignac pose « Mon iPhone 4 bug. Le bouton d'accueil ne fonctionne qu'une fois sur deux. Et puis il bug régulièrement dans iOS 5. » Ben, en fait, moi, j'avais eu ce problème-là, mais c'est matériel. Tu te présentes dans un Genius Bar... Puis il vérifie, ah ben oui, ça fonctionne pas. Il regarde si, avec sa petite lumière, si t'as pas noyé le téléphone. Puis si c'est correct, il s'en va en arrière puis il te le change. Mais faut que tu sois sa garantie premièrement. Puis y a-tu quelque chose d'autre à vérifier après ça? Non, je pense pas. Ou sinon, si c'est le logiciel, ben là, tu refais un restore complet, là, puis tu vérifies si ça fonctionne bien après. Il y a en fait dans le forum, sur Mac Québec Entre Aide, il y a quelqu'un qui a donné une solution. Tu pourrais faire aussi un hard reset. Ben c'est ça, un restore complet là, de l'appareil. En fait, je pense que la solution qui est donnée, c'est une solution qui est sortie il y a quelques temps qui s'appelle une calibration du bouton Home. C'est un petit peu bizarre, là. J'essaie de lire un petit peu parce qu'ils disent d'ouvrir l'application IPH Access 5.0 depuis votre appareil ou toute autre application. Fait que pourquoi donner le nom d'une application quand on s'en sac un peu? Ensuite de ça, il faut appuyer sur le bouton Power pendant quelques secondes jusqu'à l'affichage du slider rouge pour éteindre l'appareil, puis relâcher le bouton Power sans toucher l'écran. Oui, mais ça fonctionne. Mon Dieu, ça fait un certain temps que ça existe, mais ça fonctionne quand ton bouton il bug. Mais si ton bouton fonctionne une fois sur deux, ou s'il faut que tu pèses fort dessus. Les symptômes qui sont dits dans la page, là, c'est vraiment ça. Le bouton Home ne répond qu'une fois sur deux. Le double appui ne marche que très rarement et il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Ouais. Puis sur le forum, l'autre chose qu'il dit, c'est que ça fait 11 mois qu'il a son téléphone. Donc, la solution d'aller au Genius Bar est probablement la plus facile. Ils vont changer ton appareil. Tu vas avoir un appareil neuf. Si, par contre, pour une raison ou une autre, tu écoutes le podcast et tu es dépassé ta période de garantie, bien, ça vaut peut-être la peine de faire cette opération-là. Oui, puis si ça fait 13 mois... présente-toi quand même, puis cette opération-là ne fonctionne pas, présente-toi dans un Genius Bar. Quand même, oui. Ils vérifient quand même. Ils vont te le changer. Ils font des exceptions, mais ils peuvent te le changer. Oui, c'est ça. Oui, soit mielleux et doux avec la personne qui te répond, puis ça devrait passer. Tu sais, je viens de dépasser, est-ce qu'il y a quelque chose à faire, puis vous regardez ça, puis c'était bien gentil... Tu donnes 20$ en dessous de la table. Ben, non, en fait, ça ne marchera pas. Ça marchera pas. Faut que tu donnes 200, non? Non, même pas. Ah, OK. Non, ça marchera pas, ça. Le underside, là, ça marche pas. Là. Non, mais là, c'est du bon service, d'habitude, dans un Apple Store. Oh, ouais, ils sont correct. Réputés pour ça. Regarde. On va passer à l'autre question. C'est Olivier Dufour qui nous demande sur Mac Québec Entre Aide. Pourquoi les dernières versions de l'utilitaire AirPort, tant sur Mac que sur iOS, ne permettent plus de gérer mes bonnes AirPort Express première et deuxième génération? Je suis pas sûr de ça. Moi non plus, parce que, en tout cas, sur Mac, c'est l'utilitaire AirPort 6.1. Mm-hmm. Tu cliques dessus, tu peux les gérer. Sur iOS, ce n'est pas dans l'application AirPort Utility. Il faut que tu ailles dans ton réseau si tu veux jouer avec ton Extreme. Attends un peu. Non, OK, c'est ça. Non, c'est ça. C'est dans l'utilitaire AirPort du iOS aussi que tu peux aller jouer dans tes bornes express. Mais normalement, peut-être que sa borne express n'est pas mise à jour, par exemple. Okay. Ah, allô? Peut-être l'ancienne version, oui. Oui. Fait que peut-être c'est une ancienne version de firmware que dans sa borne express. Parce que là, la version qu'on a présentée... Moi, je viens de mettre un AirPort Express 7.4.1, un vieux modèle d'il y a 2 ans à jour. C'est pas le plus vieux des modèles, là, vous me direz, mais le firmware est quand même pas récent non plus. Là. Fait que là, c'est ça. La dernière version, c'est 7.6.1. Fait que la mise à jour du firmware, peut-être en faisant la mise à jour... ça réglerait le problème, parce que moi, j'ai une Time Capsule, puis j'ai un AirPort Express ici, puis je peux jouer dans l'utilitaire avec, puis pas de trouble. Là. J'ai juste à rentrer mon mot de passe des deux stations, et je peux aller jouer, je peux aller faire mes changements. Il y a moins d'options maintenant dans l'utilitaire AirPort qu'avec la version 5 qu'on avait avant sur Lyon, parce que maintenant, on peut plus installer la version 5 sur Mountain Lion, elle ne s'installe pas. Elle vient, ah ouais? elle vient de base avec 6.1. OK. Puis on peut pas parce qu'on peut plus changer le range, tu sais, mettons. Ah oui, elle est à l'arrière. Qu'est-ce qu'il n'y a plus possibilité de faire? Tu peux plus discriminer par MAC adresse? Non, c'est ça. Ça, tu peux plus le faire. Tu peux plus changer aussi ton range de signal, tu sais, mettons à 50% ou à 100%. Ouais. Là, à cette heure, on ne sait même plus à combien de range qui tire, tu sais, mettons, là. Mm-hmm. Mais bon, c'est ça. Fait que moi, je mettrais peut-être à jour avant mon firmware. Fait que ça serait une bonne idée. Sinon, je sais pas trop. Mais première, deuxième version. Est-ce que c'est des appareils N ou c'est des appareils G? C'est ça qu'il faudrait voir. Si vous voulez nous revenir avec peut-être un petit peu plus de détails ou écouter l'émission en live, puis à ce moment-là, dans le chat, ben, vous allez pouvoir nous répondre. À ce moment-là, on pourrait peut-être trouver d'autres pistes. Sinon, il y a toujours le bon vieux Mega Reset. On enfonce une trombone 30 secondes dans le bouton Reset en arrière. On déconnecte de l'électricité tout en gardant le bouton Reset enfoncé. Et on reconnecte un autre 30 secondes. Ça devrait tout arracher ce qu'il y a de pas bon dans la borne, en fait. Et si vous pouvez la reconfigurer à partir de là, ben ça veut dire que tout est beau. Sinon, ben ça veut dire que la borne a probablement un problème. Probablement. C'est ce que je t'ai demandé aussi cette semaine. Comment on fait pour un hard reset sur... je m'en souvenais plus c'était comment. Fait que... C'est le 30-30-30. C'est ça. C'est Richard Lucier qui m'a montré ça. Si vous cherchez quelqu'un pour du Wi-Fi, là, mais solide, là, quelque chose de compliqué, là, une salle de présentation, quelque chose, là, lui est capable de faire ça. C'est lui qui a fait le Wi-Fi pour la présentation, les bidules qu'il y avait là, à la présentation Indiana Jones au musée de la science. Centre des sciences. Donc, c'est lui qui avait tout installé le Wi-Fi là-dedans. Okay. Donc, il est excellent. Vincent, tu veux-tu poser l'autre question? Oui, le MacBook Pro qui gèle? Oui. L'écran de mon MacBook Pro 2006 gèle. Avez-vous une solution? Puis en fait, le détail, c'est j'ai un MacBook Pro 2006 Intel dont l'écran gèle. Pourtant, je peux toujours bouger la souris. Ce problème semble se reproduire sur plusieurs MacBook Pro de ce modèle. Connaissez-vous une solution? Vas-y. Moi, je sais pas, ça sonne comme un disque dur qui fait des siennes ou qui commence à avoir des problèmes. Mm-hmm. Y a plusieurs choses à faire pour diagnostiquer, si on veut, le problème dans un premier temps. Donc, on est obligé de redémarrer l'ordinateur à plusieurs reprises. La première chose facile à faire, ce serait probablement d'ouvrir avec un petit tournevis en dessous de l'ordinateur et peut-être d'enlever... une chip de mémoire et si ça ne fonctionne pas, si le problème revient, ben remettre celle qu'on a enlevée et enlever l'autre qu'on avait laissée pour s'assurer en fait que ce n'est pas les chips de mémoire qui sont problématiques. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est aller dans Disk Utilities ou Utilitaire Disk et aller faire une vérification du disque. Donc, dans la colonne de gauche, dans Utilitaire Disk, on va sélectionner notre disque dur et non pas la partition du disque dur, mais bien celui qui est tout en haut. Là, donc, ça devrait être le même petit icône que votre disque dur sur votre bureau, mais avec à côté le numéro de modèle, là, qui est un truc un peu incompréhensible à lire au commun des mortels. Donc, vous sélectionnez ça. Et dans l'onglet SOS qui va s'ouvrir à droite, vous allez avoir vérifié les permissions, réparé les permissions, vérifié le disque et réparé le disque. Donc, vous faites une vérification du disque. S'il n'y a pas d'erreur qui sort, ça ne veut pas dire que le disque dur n'est pas endommagé. Mais s'il y a des erreurs qui sortent, c'est clair que le disque dur est endommagé. Ouais. Donc, à ce moment-là, ça serait un changement de disque dur qui n'est pas une opération qui est très, très périlleuse. Mais si votre disque est endommagé, il est très possible que certaines données soient corrompues dedans. Donc, peut-être, si vous avez un disque dur externe, utilisez un logiciel comme Carbon Copy Cloner. Qui était gratuit, mais qui maintenant est une trentaine de dollars, ou Super Duper, qui est à peu près le même prix. Et ce sont des logiciels qui vont faire un copier-coller, en fait, de vos données sur le disque externe, mais qui vont passer par-dessus les données qui ont peut-être été corrompues et vous faire un rapport de celles par-dessus lesquelles ils ont dû passer. Donc, la majeure partie de vos données saines vont se retrouver sur le disque dur externe, tandis que le reste des données qui étaient corrompues, ben, au moins, vous allez avoir un rapport de où ils se trouvent sur votre disque dur. Voilà. Ça répond à la question, je crois. Est-ce qu'on a eu d'autres choses? Oui, on a Vincent qui a mis je sais pas trop quoi, là, ce qui est effacé. Puis qu'il a... Vas-y, Vincent, pose-la. Non, mais j'ai pas effacé rien. J'ai... En fait, bon, il y a une question sur... J'ai un Mac 27 pouces avec OS version 10.7.4. Pourquoi que je reçois des courriels avec des images et du son que je ne... Non, mais c'était toi, tu avais marqué... Ben en fait, j'ai un Mac 27 pouces avec OS X version 10.7.4. Pourquoi, quand je reçois des courriels avec des images et du son, je ne suis pas capable d'entendre les belles mélodies avec le diaporama? Écoute, je sais pas si ça fait longtemps que t'es sur Mac, parce que je trouve que ça sonne beaucoup Windows. Là. Tu pars sur une espèce de PowerPoint. Premièrement, si c'est PowerPoint, quand tu parles de diaporama, il faut que tu ailles la suite Microsoft pour avoir PowerPoint, ou sinon ça marche pas. Mais tu peux l'ouvrir dans Keynote si tu as Keynote aussi. Pour les mélodies. Il y a OpenOffice. Pardon? Il y a OpenOffice. OpenOffice aussi. Ça marchera pas. Non? Non? Il lit, mais il va lire les trucs de base, des trucs très, très simples, mais souvent, il n'est pas capable de l'ouvrir. Par contre, sur Mactopia, il devrait avoir un PowerPoint Reader. Qui est un logiciel qui est très peu connu parce que la plupart des gens ont effectivement Office. Mais si je ne me trompe pas, il y a un reader à PowerPoint qui existe. Okay. Donc, ça, c'est possible de le télécharger. J'essaie de voir rapidement là, how to PowerPoint support purchase and download. How to PowerPoint, learning, ask. Je le trouve pas, mais je sais qu'il y a un reader qui existe, PowerPoint, donc ça pourrait être de trouver ça. Sinon, comme Vincent l'a dit, Keynote, qui est disponible au coût de 15$ sur le App Store, devrait faire l'affaire là, pour ouvrir certaines présentations. Sinon, l'autre solution, on y pense pas souvent, mais peut-être l'uploader sur Google Drive? Ouais. Je pense que ça pourrait fonctionner. Je pense qu'il est en mesure d'ouvrir quand même, de comprendre le document PowerPoint. Donc, ça pourrait être une solution aussi alternative et qui ne coûte pas très cher. Sinon, écoutez, pour être honnête, là, habituellement, ces présentations-là ont été faites en 1990, sont LED. Vous aideront pas vraiment dans la vie, sont pas si intéressantes que ça. Vous n'êtes pas obligé de le partager à 10 personnes pour pouvoir en profiter pleinement. Voilà, c'est pas vrai que vos vœux ne se réaliseront pas si vous l'envoyez pas à 10 personnes. En fait, vous aurez plus d'amis si vous l'envoyez à 10 personnes, c'est ça qui va arriver. Ouais. Voilà. J'ai une petite nouvelle de dernière minute. Pour ceux qui, comme on parlait tantôt de disque dur vérifié avec le disque utilitaire, il y a Drive Genius qui a été mis à jour pour 10.8. Ah, excellent. Okay. C'est bon. Il y a une option sur Safari que j'ai vue. On n'en a pas parlé tantôt, mais je veux quand même. Sur le podcast de Mac Québec, mais quand vous êtes sur une page web, peu importe, avec 10.8, vous faites juste prendre deux doigts puis pincher à l'envers, là, pas zoomer, mais dézoomer finalement, sur la page, puis ça va. Donc partir avec vos doigts collés, ouais, les mettre sur le pavé et les décoller pour, en glissant sur le pavé. Pour ceux qui ont un iPhone ou un iPad comprennent, là. Mais vous faites cette opération-là sur votre page. Puis en fait, ce que ça fait, c'est que les onglets deviennent un peu comme dans un iPad encore. Pour changer de page sur l'iPad, les onglets deviennent des petites fenêtres, puis vous pouvez naviguer entre les fenêtres en glissant de chaque côté. Ce qui est pratique, par contre, c'est que ces onglets-là, ces pages qui rétrécissent, fonctionnent encore. Donc la vidéo, en ce moment, je l'ai diminuée, puis je vois très bien en train de rien. Ouais. Puis c'est ça, vous bougez. Fait que... C'est slick. Oui, c'est bien. C'est vraiment cool. Parce qu'avant, avant, c'était juste, tu peux pas plus zoomer comme dans l'iPad. Il y a un maximum. Fait que, ouais. Un autre petit truc pour les power users ou les utilisateurs intermédiaires qui nous écoutent, que j'ai trouvé cette semaine et que j'ai trouvé vraiment intéressant, dans la fenêtre de sauvegarde. Donc, si vous faites... en ce moment, là, vous êtes dans la fenêtre de chat. Si vous faites pomme S, vous allez avoir cette fenêtre-là qui va s'ouvrir pour sauvegarder les amateurs de Mac. Bonsoir, la page en tant que telle. L'intérêt n'est pas nécessairement là. J'attirerai votre attention vers votre disque dur ou vous pouvez aller vers le dossier, votre dossier utilisateur, là, la petite maison. Et si dans cette fenêtre-là, vous faites pomme Shift et point, ben vous allez faire apparaître, en fait, ça fait hide et unhide les fichiers cachés. Et un des fichiers cachés qui peut être que vous allez peut-être vouloir rejoindre à un moment donné, c'est la librairie. Donc, la librairie d'utilisateur apparaît quand vous faites commande, shift et point. Donc, ça peut être très intéressant si vous avez besoin de rapidement aller sauvegarder un plugin ou quelque chose à l'intérieur de ça. C'était un petit truc que je voulais partager avec vous. Bon. Pas mal de tour pour cette semaine? Oui, on a-tu d'autres questions? Je pense pas. Non, mais moi, je vais vous raconter mon histoire bien vite. Qu'est-ce que ben oui. Qu'est-ce qu'il m'est arrivé hier et que je freakais, mais ça avait pas de bon sens. Il y avait quelques mots obscènes qui est passé. Oui, que je dirais pas ici présentement. Exactement. Mais pour ceux qui écoutent, ils savent comment que je suis. J'ai perdu mes contacts sur iCloud. Tous les contacts, j'avais 154 contacts mis à jour tout le temps, adresse, numéro de téléphone, toute la patente. Ils n'étaient plus là. Ouch. Alors, je freakais, mais ça n'avait pas de bon sens. Qu'est-ce que je vais faire juste pour remédier au problème? Là, j'ai essayé de fouiller sur les chats de Apple, toute la patente, parce qu'on sait que iCloud, ben en tout cas, je l'ai su, hein, mais ne garde pas aucune copie sur les serveurs. T'sais. C'est okay. comme une fois que c'est effacé, puis tout va pour toi. En même temps, s'ils faisaient un backup de tout ce qu'il y avait, il faudrait qu'il y ait deux fois plus de data, de data center, deux fois plus de tout pour supporter ça. Mm-hmm. Ouais, ouais, ouais. Fait que, si le 5 gig à louer serait 10 gig déjà de base. Là. Fait que... Mais tu sais, iCloud n'est pas parfait. Hein? iCloud n'est pas parfait. Ça serait le fun de pouvoir restaurer, mettons, d'un ancien backup, juste les informations qu'on a besoin. Tu sais, je veux dire, tu choisis, OK, je veux restaurer ça, fait que restaure-moi juste ça. En tout cas, whatever. Mm-hmm. Fait que... Là, j'étais avec Alexis puis Vincent, on parlait, puis je connaissais, puis il ne m'entendait pas parler parce que là, j'étais trop occupé avec mes contacts. Fait que j'ai assez copié avec mes backups, que c'est toujours faire des backups, sinon ça, j'aurais tout perdu. Là. j'ai essayé de copier le dossier Address Book et le remettre dans mon disque dur, mais ça ne fonctionne pas parce que iCloud les efface automatiquement vu qu'ils ne sont pas sur ses serveurs, ils se connectent automatiquement. Alors, une fois que je mettais le dossier, j'ouvrais le contact, je voyais mes contacts, mais ils s'effaçaient automatiquement. Fait que j'ai trouvé un autre moyen. J'ai parti contact, j'ai appuyé sur Time Machine. Fait que là, l'image Time Machine est apparue pour aller chercher les anciens backups. Ouais. Sauf que je pensais qu'en faisant faire, mettons, commande A pour tout sélectionner, je pouvais faire genre exporter, mais il n'y a pas l'option d'exporter. Ben, faut que tu restaures. Ou que j'ai dit, même restaurer, ça ne fonctionne pas. Il ne les prend pas. Il ne les prend pas. Même si j'ai fait contrôle A, j'ai fait restaurer aussi, et qu'il n'y a rien qui est apparu dans contact. Fait que le seul moyen que j'ai trouvé, c'est que j'avais, mettons, toutes les premières, il fallait que je fasse un par un, que je fasse exporter vers un courriel, que là, il me créait un fichier VCF, la petite carte. Ouais. Il a fallu que j'importe, que je fasse exporter un par un mes 150. C'est 150, tabarouette. Puis après, il a fallu que je les importe un par un dans Contact. Ouch. Puis après, il a fallu que je... Oui, c'est ça, je me suis couché. Il était comme 1h30, 2h, je pense. Okay. Fait que c'était extrêmement long. Puis là, une fois que c'était importé dans le contact, là, je les ai remis dans iCloud. Mais je capotais. Hey, c'était long, là. C'est extrêmement long à faire, là. Fait que je sais pas ce qu'il y a eu, là. Mais je souhaite pas ça à personne. Ceux qui ont des contacts, comme toi, Alexis, tu dois en avoir aussi des papiers dans ton téléphone, là. J'en ai un gros paquet, moi, des contacts. Ouais, c'est ça. J'ai des doublons. J'ai des j'ai 1143. Ouais, tu as Facebook ça, aussi dedans. Combien? Ouais. 1143. Quand même, Oh, fuck! J'en ai pas autant. OK. Je pense que j'ai encore la liste des bêtas. Ça fait excessivement longtemps que j'ai mon carnet d'adresses. Et il y a une période où est-ce que je rentrais tout le temps les nouveaux points d'accès Îles sans fil. Fait que j'ai peut-être 250 contacts que c'est des points d'accès d'Îles sans fil. Okay. Moi, j'ai 70 personnes dans mon frère. Mais j'ai encore la liste de bêta que j'avais utilisée pour MQ Mobile. Il faudrait que je fasse le ménage là-dedans. Là, fait que je vais avoir au moins 70 personnes. Tu vas avoir 4 amis dans ton... Youhou! On va répondre à une question. Il y a une question dans le chat qui vient d'apparaître de Fanny. Oui. Elle a acheté un iPhone chez... OK, elle a acheté un iPhone chez Best Buy à plein prix. Prix forfait mensuel chez Fido. Je viens de le changer pour TELUS. On me dit qu'il est bloqué. Je ne comprends pas si le téléphone m'appartient, pourquoi il est bloqué. Il n'est pas relié à un forfait de 3 ans. Je ne sais pas si Best Buy vend des téléphones débloqués. Parce que tu peux le payer plein prix pour ne pas être sous contrat. OK? Mm-hmm. Mais je pense qu'il n'y a que Apple qui vend des téléphones débloqués. Puis il doit avoir quand elle l'a acheté, il a dû être justement sous le branding Fido, là, vu qu'elle a pris un forfait mensuel. Puis elle a pris le forfait mensuel chez Best Buy, parce que maintenant, ils ont pas mal toutes les compagnies. Toutes les compagnies. Il était barré justement avec Fido quand tu l'as choisi avec Fido, là, malheureusement. Mais c'est ça. Il n'y a pas de Best Buy, Future Shop. Même si vous allez dans Rogers ou dans Fido, là, dans un magasin, là, ils ne vendent pas les téléphones débloqués. Seul Apple vend les téléphones développés. Il me semble que oui. Ce qu'on vous suggère, c'est peut-être de téléphoner à Fido, qui était votre ancien fournisseur, de leur expliquer la situation, comme quoi vous n'avez pas nécessairement été informés. Eux, ils sont capables de les débloquer. Normalement, ils vont le faire si vous avez... Normalement, en fait, il faut que ça fasse plus de 3 ans que vous ayez acheté le téléphone. Mais là, dans votre cas à vous, vous l'avez payé plein prix. Donc, téléphonez-leur, vérifiez avec eux, puis probablement qu'ils seraient en mesure de faire quelque chose pour vous. Peut-être que ça va vous coûter un 50$ là, pour le faire débloquer. C'est un chien qui change 50$, là. Oui, ce serait effectivement chien, là, mais la prochaine fois, tu sais, c'est parce que les compagnies, ils sont en train de changer, en fait, leur façon de vendre les téléphones. Je pense qu'ils te le divisent par mois, puis ils te chargent le montant que le téléphone te coûterait par mois. Puis si tu veux t'en aller, il faut que tu payes le reste de la somme, là, ou quelque chose comme ça. Ouais. Ça, c'est la nouvelle, parce que ça, c'est la nouvelle, loi. La nouvelle politique. Oui. Okay. La loi 30, je pense. Hein? Je pense que c'est la loi 30. Ah, c'est possible. Ouais. Mais en fait, ça, c'est leur moyen de contourner la loi 30. T'sais. C'est ça. Ils te chargent le restant du téléphone. Ouais. En tout cas, c'est pas très clean. Voilà. J'avais un autre truc que je voulais suggérer aux gens, mais je me souviens plus. C'est quoi. Donc, comme je suis en train de m'endormir vivant, ce qui est pas mal mieux que s'endormir mort quand même. On va souhaiter bonne nuit à tout le monde. Bonne journée, tout dépendant quand est-ce qu'ils nous écoutent, en fait. Oui, parce que moi, en fait, ma journée... Elle commence. Ben, elle commence à 2 heures, mais... Oui, je suis dans ma journée. Excellent. Peut-être que tu peux nous expliquer, Vincent, qu'est-ce que je vois en dessous de la fenêtre de chat sur le site de macquebec.com/en direct? Oui, ces deux boutons-là, oui. Qu'est-ce que c'est? Attends un petit peu, je vais lire ça. Faire un don. Oh! Puis l'autre, c'est souscrire. Oh, tu peux nous expliquer la différence? Oui, ben en fait, un don, c'est faire un don. Puis, ouais. Donc, vous pouvez faire un don au podcast de Mac Québec, si vous voulez, par ce bouton-là. Donc, c'est un don unique, là. Il n'y a pas d'abonnement récurrent. L'abonnement, c'est ça. Comme le mot le dit, c'est un abonnement. Donc, vous payez un certain montant par mois. Il y a des choix, là. Il y a 6 choix. 1$, 2, 5, 10, 20 ou 100$ par mois. Si c'est 100$ par mois, on aimerait ça être contacté... personnellement par courriel pour qu'on puisse le savoir, là, qu'on fera une mention spéciale pour ça. Là. On va fêter ça le premier mois, on va acheter 100$ de bière. Exactement, de la limonade. Ouais. Donc, c'est ça, vous pouvez souscrire par ça aussi pour faire un don récurrent. C'est un don automatiquement qui va être pris dans votre compte PayPal. Puis, vous pouvez couper à tout moment si vous voulez. Là. Mais coupez-le pas, s'il vous plaît. Excellent. Donc, messieurs, nous, on se revoit dans 2 semaines, mais en attendant, où est-ce qu'on peut vous trouver? Oui, moi, on peut me retrouver sur les internets. On peut me retrouver sur Twitter à JFroy1979. Mon compte Facebook est le même. Mon compte Google Plus est le même. Hey, Google Plus, on dû avoir du monde un petit peu plus après-midi. Oui, ça a planté Twitter. Fait que Google, il devait être content. Fait que on peut me rejoindre là. Fait que c'est ça. Puis t'es toujours là pour aider, en fait. Je te vois beaucoup, beaucoup te faire poser des questions. Tu y réponds. Ouais. T'as pas mal de support là-dessus. Oui. Maudit scab. Oui, exactement. Disant d'une personne qui a ses services pas pour réparer. Ben oui. Moi aussi, je charge pas. Fait que... oui, ben moi, on peut me retrouver sur les Twitter à DEV Vmiller ou sinon Google Plus, Facebook, LinkedIn, Foursquare, YouTube, Instagram, Flickr, toute cette gang-là. Pinterest? Non, pas Pinterest. Bon, d'accord. J'ai décidé de laisser ça à Kim. Donc c'est ça. Puis mon site web vmiller.ca si vous avez une application à faire. Comme je l'ai dit dans l'autre podcast, il y a un certain délai. Je vous réponds, mais il y a un certain délai entre je commence le développement et l'application est finie. Là, parce que, disons que j'ai plusieurs applications que je travaille en ce moment. Puis même si je peux pas dormir à tous les jours, je dois quand même dormir un certain temps. Donc c'est ça. Non, on n'appelle pas ça dormir, on appelle ça s'évanouir, Vincent. Ah oui? Oui. fait que c'est à 4h de l'après-midi là, quand t'es comme tu peux puis tu t'endors là, ben c'est ça, c'est okay. Ouais. Tu te réveilles dans la cuisine plein de sang dans la face, ouais. Un couteau dans les mains puis et bon, okay. Oh, on commence... shit, ouais. C'est passé. Ouais, puis mon clou était 48. T'as un clou à 48, tu veux te vanter du clou? Non, je sais que probablement que le vôtre est plus gros, mais il était à 44 avant, fait que... C'est sûr que le nôtre est plus gros. Ah bon, on commencera pas, sachez, là, s'il vous plaît. 51. 54. Oh! Ah, ben, je suis quand même assez proche de vous. Non, vous êtes pas, t'es pas tellement bas. Ouais, Yann Thériault est à 18, tu vois. Il est à 18, hé. Ouais, je sais pas. Ben, c'est le compte Yann Thériault, c'est pas le compte Crapule. Ah, ok. Le compte Crapule doit être torpé. Pécharme est à 41, donc je suis encore. Peut-être à 60. Excellent. Ah, ouais. Bon, ben avant que ça devienne un concours de celui qui a le plus gros clout, on va se laisser. Pour ma part, vous pouvez me retrouver sur Twitter au Alex Cornelier. Vous pouvez me retrouver aussi sur SoundCloud. Crapule de 71. Ouais, ben il est hot, Crapule. J'étais là au stream la semaine passée, c'était cool. Vous pouvez me retrouver au stream la semaine passée. Vous pouvez me retrouver en train de rouler sur les scabs aussi qui ne chargent pas pour faire du service technique avec ma Yaris. Vous pouvez me retrouver sur le site que Vincent m'a fait au alexiscornelier.com. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est toi qui l'as fait. C'est vrai, il est publié. Oui, il existe. J'avais oublié. Et voilà. Donc, ouais, c'est comme ça a pris du temps, mais finalement, c'est allé. C'est pour ça qu'il a l'air de venir de 1990. Non, c'est une. Ouais, c'est pour ça qu'il y a les anciennes couleurs d'Apple, ouais. Exactement. Donc, on se dit à dans deux semaines, messieurs, et on espère que d'ici là, Apple nous sorte beaucoup de nouvelles, mais habituellement, ils ne nous déçoivent pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Au revoir. Bye bye. Bonne soirée, bye bye.